descendu dans l'escalier. Ouh, ouh, ah. J'entends mugir mes voisins de palier. Ouh, ah, ouh, ah. Des cris, mais faut pas le répéter. Ouh, ah, ouh, ah. Je fais des pas de loup pour pas les déranger. Ah, ah. Pa-la-pa-pa-pa-pa. Putain, boucan, boucan, putain. Pa-la-pa-pa-pa-pa. Mais il la traite pire qu'un chien. Pa-la-pa-pa-pa-pa. Putain, boucan, boucan, putain. Pa-la-pa-pa-pa-pa. À peine tombé en face du voisin de palier. Ouh, ah, ouh, ah. J'ai bien compris que c'était fini. Ouh, ah, ouh, ah. J'entends encore la voisine qui crie. Ouh, ah, ouh, ah. Hey, c'est quoi là? C'est pas fini? Ah, ah. Pa-la-pa-pa-pa. Putain de boucan, boucan putain. Pa-la-pa-pa-pa. Mais qui la traite pire qu'un chien. Pa-la-pa-pa-pa. Putain de boucan, boucan de putain. Pa-la-pa-pa-pa. Putain de boucan, boucan de putain. Putain de boucan, boucan de putain. Putain de boucan, boucan de putain. Putain de boucan, boucan de putain. Putain de boucan, boucan de putain. Putain de boucan, boucan de putain. Putain de boucan, boucan de putain. Putain de boucan, boucan de putain. Putain de boucan, boucan de putain. Putain de boucan, boucan de putain. Putain de boucan, boucan de putain. Putain de boucan, boucan de putain.